Radio FR vous présente la journée intercantonale de la formation professionnelle. Bonjour Jean Trotti. Bonjour. Tu as 22 ans, tu es de Noréa, tu exerces la profession de mécatronicien d'automobile et surtout tu es médaillé d'or au Swiss Skills 2014 et médaillé d'or également au tournoi des 5 nations en Italie. Bon, je suis impressionné, hein, bravo. Merci. Commençons peut-être par parler de ce concept Swiss Skills, hein, on a déjà entendu ce nom. Est-ce qu'on peut parler de championnat des métiers ? Oui, c'est exactement ça, c'est les championnats qui sont destinés aux personnes qui ont fait une formation avec un CFC. Mmh. La plupart ont terminé leur formation, donc c'est pas pour les apprentis, c'est vraiment pour les jeunes jusqu'à 22 ans. Moi, pour mon cas, j'avais pas encore terminé mon CFC parce que, comme j'ai 22 ans, cette année, ben, c'était ma dernière chance de pouvoir y participer. Ça m'a pas beaucoup empêché de faire un bon résultat, mais en principe, c'est quand même pour les personnes qui ont fini leur apprentissage. Ça ressemble un peu aux examens finaux, un peu plus poussés, et aux épreuves de qualification, c'est aussi regarder notre motivation, comment on se comportait face au stress, et pas seulement le côté pratique et puis connaissance de base, mais aussi un peu le comportement personnel. Le stress, c'est quelque chose que tu gères bien. Tu as l'air assez calme comme garçon quand même. Hein. J'ai dû apprendre. Ça n'a pas été facile au début, mais... C'est un apprentissage de vie comme beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Alors, on l'a dit, hein, dans le palmarès, c'est impressionnant. Médaille d'or au Swiss Skills en 2014, mais aussi médaille d'or au tournoi des 5 nations. Alors, j'imagine que là, on est monté d'un niveau. Hein. On est monté un peu d'un niveau, puis c'était pour moi important de refaire une deuxième performance en italien. Parce que même avec la médaille d'or au championnat suisse, j'avais pas encore mon billet pour le Brésil. J'ai dû rebattre une fois le deuxième et troisième Suisse en Italie pour pouvoir avoir ma place au championnat du monde. Comment est l'ambiance entre les concurrents? C'est bon enfant ou bien tu sens que les gens s'observent et ils sont tendus? Non, c'est très bon enfant, on est même plutôt copains. Après, c'est clair que c'est chacun pour soi durant la compétition, mais on vit quand même plus ou moins ensemble la veille et puis le lendemain, on fait le voyage ensemble. Donc tout se passe très bien et c'est une concurrence saine, je dirais. Est-ce qu'à chaque fois, c'est beaucoup de préparation? Oui, ça demande un grand investissement niveau temps. J'ai dû pas mal mettre de choses de côté, mes activités. T'as oublié les loisirs, les sorties Ouais, j'ai pas complètement oublié, mais disons que j'ai un peu diminué. C'est important de s'investir à fond pour ça, ça demande du temps. Je pense que ce qui est important également, c'est le soutien, le patron, les collègues, la famille, les amis sont tous derrière toi? Oui, je peux dire que tout le monde est derrière moi, les professeurs, le patron, il me laisse du temps pour me préparer, c'est vraiment top. Au niveau suisse aussi, on a notre l'UPSA, l'Union Professionnelle Suisse de l'Automobile, qui me soutient beaucoup, aussi financièrement, qui me forme aussi. Je peux aller en Suisse allemande, aller dans d'autres garages, me former, c'est vraiment bien. Ton métier, c'est mécatronicien d'automobile. Tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Alors moi, je suis personnellement mécatronicien poids lourd, donc pas automobile. Donc je travaille sur des camions. Donc en gros, c'est tout ce qui est mécanique sur le poids lourd. Donc c'est la maintenance et puis aussi mécatronicien, ça veut dire qu'on fait aussi tout ce qui est électronique. Donc on fait... Et l'électronique est de plus en plus présente à bord des véhicules. Voilà, c'est pour ça que c'est une formation relativement récente où on s'est beaucoup plus axé sur le diagnostic. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette formation professionnelle? Ça n'a pas été facile parce qu'en sortant du CO, j'ai été d'abord au collège, j'ai fait 3 ans de collège. J'avais envie d'étudier ce qui était physique. J'ai déjà bien aimé la mécanique, mais je pensais plutôt faire ingénieur. Après 3 ans de collège, j'ai vu que l'école, c'était pas pour moi, ça me plaisait pas. Alors j'ai arrêté le collège pour commencer un apprentissage. J'avais besoin de faire quelque chose de manuel avec mes mains, de travailler avec mes mains. C'est pour ça que j'ai changé d'orientation. Et ça va, là, t'es vraiment heureux Là, je suis heureux, je regrette rien. C'est le principal. Hein. Mm-hmm. Cet été, on l'a évoqué, hein, tu vas t'envoler pour Sao Paulo au Brésil, parce que là, on monte encore d'un cran, tu vas participer au World Skills. Là, t'es obligé, Jean, tu vas nous ramener une médaille d'or, attention. Hein. Alors c'est vrai que j'ai un peu la pression, d'autant qu'il y a 2 ans et 4 ans, ils ont ramené les Suisses en mécanique, la médaille d'or et la médaille de bronze, donc les Suisses ont le potentiel. Les Suisses sont bons, en règle générale. Les Suisses sont bons, on a une très bonne formation professionnelle, ça a été prouvé à plusieurs reprises. Pas que dans la mécanique, mais dans d'autres métiers aussi. Donc j'ai un peu la pression, mais je vais me donner à fond pour faire le maximum et puis j'espère ramener une médaille. Journée intercantonale de la formation professionnelle et de l'emploi sur Radio Fribourg. Toutes les informations sont à retrouver sur radiofr.ch, toutes les bonnes adresses en lien. Si vous êtes par exemple une entreprise désireuse d'engager des apprentis, n'hésitez surtout pas à cliquer. Jean Trotti était avec nous aujourd'hui. Un plaisir de t'avoir accueilli, Jean. Mais un plaisir était aussi pour moi. Merci. Bonne chance pour la suite. Hein. Merci.